Don't stop. Stop music. Galaxy 95.3. Entrez dans l'univers du Dancefloor. Avec Hubert. Fly.

15, content de vous retrouver. J'espère que vous avez la patate ce matin. Soyez en tous les cas les bienvenus dans Electrochic sur Galaxy 9530 ou sur le net www.galaxyfm.com. Et là, vous pourrez nous écouter en qualité hi-fi. Je vous rappelle que vous avez la boîte mail de l'émission qui est là pour vous, jour et nuit d'ailleurs. Et si vous avez des petites anecdotes à nous raconter, je sais pas moi, concernant par exemple vos vacances de cet été, n'hésitez pas, vous tapez ubergalaxy@hotmail.fr. ubergalaxy@hotmail.fr. Electrochic, c'est 120 minutes de pur son électro house avec Jess Garcia dans un instant, Talking About House. Dans l'immédiat, on vous fait péter Funkerman et Speed Up sur Galaxy. Galaxy. Speed up, speed up. Galaxy. Galaxy. Thank you. Galaxy. Save the rhythm. Ce matin sur Galaxy, il y avait tout à l'heure John Caldera avec Sexy and Rigby, véritable bombe qui s'appelle Sullivan, que vous aviez découvert sur Galaxy un petit peu avant les vacances, et c'est Tiken que vous entendez d'ailleurs encore en ce moment. C'est le remix signé par Dev Spoon. La suite d'Electrochic, c'est dans un instant sur Galaxy avec Bump. Galaxy, c'est ça. Galaxy, c'est ça. Galaxy, this is I love it, you sure.

Balancé avant tout le monde celui-là, c'est John Dolbach avec Blink qu'on entend d'ailleurs maintenant un peu partout. Milk and Sugar, Global Experience, Joaquin Garou ou encore Oliver Molden, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver d'ici quelques instants dans la deuxième partie d'Electrochic, mais on aura aussi l'occasion de vous balancer quelques passes valables pour les soirées du week-end prochain. Tout ça c'est pour vous, alors vous restez bien calés sur 9530 ou www.galaxyfm.com. Je vous dis à tout à l'heure. Galaxy 95.3. Entrez dans l'univers du dance floor. Avec Hubert. Hubert. Yeah. We'll be right back. Sugar avec Stay Around. Et dans le lait, si ça ne vous dérange pas trop, j'aimerais bien rajouter un petit peu de café. Puis pendant qu'on y est, on va se la péter, mais alors complètement royal, avec un petit croissant. Tiens, c'est pas une mauvaise idée. Radio Galaxy 95.3. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. chic sur Galaxy, c'est encore pendant une petite demi-heure. D'ailleurs, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur 9530 ou www.galaxyfm.com. D'ailleurs, vous restez bien calés et bien au chaud, puisqu'on aura pour vous d'ici une petite dizaine de minutes des entrées gratos, valables pour les meilleures soirées du week-end prochain. Hubert, Hubert, sur Galaxy. Make me make that fucking sound. What's crackin'? Who you makin'? We'll be right back. ici venus n'ont pas le temps des rires et des chants, comme le disait Sylvia la chanson dans Casimir, qui doit certainement vous rappeler des tas de souvenirs, j'en suis persuadé. Mais voici tout simplement le moment de jouer ensemble, puisqu'on vous l'a promis tout à l'heure, nous jouons pour des entrées gratos, donc valables pour les soirées du week-end prochain. Et pour jouer et gagner, vous plongez sur votre téléphone, mais attention, hein, ça va vous faire mal quand même. Et vous composez le numéro des cadeaux tout de suite. Allez, on ne traîne plus, parce qu'il y en a d'autres qui vont le faire pour vous. 03 20 83 57 57 et nous jouons avec le 15e et le 30e appel. Bonne chance. 1, 2, 3, 4. Move. Chic, date terminée, je finis pour aujourd'hui. Passons en tout cas un très bon week-end. Dans un instant, Sound System avec Jérémy. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!